dur. Chimbé en bouteille, savent nous pas qu'à prendre sommeil. Nous ni bon pression, la ni forme, la ni naison. Yo palé nous fait, nous nous qu'a dit au coquel. Y'en qui 20 sur 20, c'est pas bite à piole. Qu'à vivre la vie, t'as triché si tu dors. Qu'à vivre la vie, si t'es en couple, c'est mort. Mesque qui boit alcool, pays boit à la ni bactol. Femme basse la brenne des feitol. Brenne la tête, les épaules. La gani fait sous baby. Tori si femme la bobani. Y a des qui problème pini. Ou sa bien des bits ou biti. Ma aime bordel. Coutume tu me paye, moi c'est wom. Mi tito elle si poil. Mais bon, tout ça paye des bonnes. Si ou aime flex. Boit alcool, coûte d'un sol. Brenne cause sans stress. Chanter à la cité d'or.